Bonjour à tous. Alors moi, je suis prof d'histoire. Hein, et l'idée est venue de réfléchir sur la question de la violence à la fois, en fait, ça va être à l'articulation entre la question de la violence dans les mouvements populaires et insurrectionnels et la question de cette violence, comment est-ce qu'elle peut être retournée contre les mouvements pour servir à les discréditer. Ce qui est, bon, on va dire, un des usages de l'histoire, qui est non pas de chercher vraiment des leçons, mais au moins des précédents, des choses qui peuvent permettre de comparer, de réfléchir soi-même. La question, je vais l'aborder à travers deux moments, en fait, deux choses assez différentes. D'une part, les révolutions parisiennes du 19e siècle, essentiellement la révolution 1830-48, et peut-être j'aborderai aussi la Commune. Et puis je vais sauter au XXe siècle sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est aussi assez intéressant. Enfin, il n'y a rien à voir. Qui est la question de du mouvement de libération des Noirs aux États-Unis au XXe siècle. Voilà. Donc ces deux éléments de comparaison pourront justement fonctionner en rapport l'un avec l'autre. Je vais commencer donc par les révolutions parisiennes. Du 19e siècle en France. La première, c'est celle qu'on appelle les Trois Glorieuses, la révolution des 27, 28 et 29 juillet 1830, dans ce quartier d'ailleurs, hein, dans un espace qui va en fait du faubourg du Temple au faubourg Saint-Antoine pour l'essentiel, et en passant par le centre de Paris. La monarchie restaurée de Charles X est en crise, dans une tension avec la chambre élue. La chambre n'a pas été élue au suffrage universel, mais elle est quand même libérale, elle est quand même plus à gauche qu'un gouvernement totalement réactionnaire, qui est celui du roi Charles X, qui dissout donc la chambre et tente d'abolir les libertés publiques, en gros de faire un gouvernement autoritaire. Immédiatement, enfin, le 27, de manière d'ailleurs surprenante, le peuple de Paris, c'est-à-dire vraiment les ouvriers, se soulève. Alors c'est intéressant parce que c'est les ouvriers qui se soulèvent, alors que la tension politique était avec la Chambre, qui elle était formée de notables et de puissants. Hein, mais on peut dire que les classes dirigeantes sont divisées entre le gouvernement d'une part, qui est conservateur, et les libéraux de l'autre, qui sont la chambre. Mais c'est bien le peuple qui se soulève, le peuple de Paris. C'est la réinvention d'ailleurs de la barricade. Il revit quelque chose qui ressemble à la révolution, aux journées révolutionnaires de la période 1789-1795. Et c'est que cette révolution ne va durer que 3 jours et aboutir à un résultat partiellement favorable, on va dire. Et que les forces de l'ordre, en l'occurrence, n'ont pas réussi à réprimer. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe et pourquoi la répression ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, en fait, parce que, à l'époque, les forces de répression sont... la police n'est pas une force de répression des mouvements populaires. Il n'y a pas assez de policiers pour ça. Donc c'est pas la police qui entre en jeu dans ce genre de mouvement. C'est la Garde nationale, qui est une milice créée, enfin une milice, le terme ne doit pas être négatif, hein, disons une force de l'ordre créée de manière volontaire par, en gros, des bourgeois pour protéger l'ordre en général, mais donc c'est volontaire, et l'armée. La Garde nationale, en fait, était trop à gauche pour le gouvernement, qui l'a dissous, ce qui fait qu'elle n'existe plus en 1830. Mais il y a les anciens gardes nationaux, et en plus ils ont gardé leurs armes. Et puis il y a l'armée. Et ce qui se passe en fait, c'est que les membres de la Garde nationale qui ont été démobilisés, donc auxquels qu'on a renvoyé chez eux, reprennent leurs armes pendant la Révolution, non pas pour faire la Révolution, car ils ne sont pas là, mais en tout cas pour garder leur quartier, et ne prennent pas parti pour le gouvernement. Donc le gouvernement n'a plus comme solution que l'armée. tandis que la garde nationale se recrée spontanément et elle est neutre. Elle est ni du côté du gouvernement, ni du côté de la révolution. Et les troupes qui sont envoyées à Paris le 27 et surtout le 28 juillet sont face à un mouvement révolutionnaire puissant qui occupe vraiment le centre de Paris. Et le dernier jour de la révolution, le 29, il y a deux régiments qui se retournent, deux régiments qui passent aux insurgés, qui tiennent en fait le centre de Paris, la place Vendôme. Alors à l'époque c'était plus populaire qu'aujourd'hui, hein. Enfin c'était déjà bourgeois. Hein. Et c'est une défection qui entraîne l'effondrement du dispositif militaire, ce qui fait que le général en chef, qui s'appelle Marmont, doit dégarnir des troupes, essayer de replacer des troupes au centre. Bref, ça fait tout tomber. Le centre de Paris est investi par les insurgés, les troupes royales se replient, et la seule solution pour le gouvernement, ce serait vraiment, alors là, d'envoyer... de faire venir des troupes de province, de les réenvoyer dans Paris. Et là, c'est le bain de sang, il n'est pas sûr de gagner. Charles X abdique. Et les bourgeois libéraux qui étaient en attente, qui ne s'étaient pas levés contre l'insurrection, mais qui l'avaient soutenu du bout des lèvres, mais sans bouger, hein, c'est pas eux qui l'avaient fait, récupèrent le mouvement en mettant à sa place le roi Louis-Philippe. Donc c'est pour ça que c'est un résultat mitigé. Hein, le gouvernement tombe, le régime tombe, mais c'est pas la République, ce ne sont pas les idéaux des insurgés eux-mêmes qui sont mis en place, mais plutôt les libéraux, c'est-à-dire à l'époque une gauche modérée, si vous voulez, bon, quelque chose comme Macron. Bref, mais on voit déjà que le mouvement a un succès au moins partiel à cause de la division des forces de sécurité. Hein, et à cause de la division des élites. C'est ça qui a amené ce mouvement-là. 18 ans plus tard, alors il faut signaler qu'il y a d'autres mouvements très comparables. Il y a eu à peu près 500 morts, c'est assez peu. Hein. Il y a eu d'autres mouvements comparables en 32 et encore en 40 à Paris. Et là, ça ne marche pas du tout. Alors que du point de vue de la violence engagée par les insurgés, c'est tout à fait comparable. Et il y a même plus de morts. Il y a 800 morts en 32, en juin 32 à Paris. Vous n'en avez pas entendu parler parce qu'on n'appelle pas ça une révolution parce qu'elle n'a pas réussi. En fait, c'était exactement le même type de mouvement. Mais là, par contre, comme les libéraux sont au pouvoir, ils ne se mettent pas du tout du côté de l'insurrection. La garde nationale, qui est bourgeoise, qui a été rétablie, tient complètement du côté du... Elle n'est ni neutre, ni du côté des insurgés. Et l'armée continue d'obéir. Du coup, ça s'est écrasé dans le sang, c'est pas un écrasement en dizaines de milliers d'hommes, mais il y a quand même 800 morts. Et fin. Et fin, vous n'en avez pas entendu parler. C'est pas seulement que c'est la fin, c'est qu'aussi c'est totalement étouffé, de fait. Bon. En 48, en février 48, c'est le régime de Louis-Philippe qui, lui, entre également en crise parce qu'il s'est complètement fermé à toute forme d'innovation, d'ouverture sur la société et de réforme. Ça vous rappelle peut-être des choses. Et ça commence par ce qu'on appelle la campagne des banquets, c'est-à-dire les républicains et les réformistes, qui ne sont pas forcément tous républicains, se réunissent dans des banquets parce qu'ils n'ont pas le droit de se réunir autrement. On interdit un banquet, et le 22, ce banquet est interdit, et la garde nationale est divisée. C'est-à-dire qu'elle se met en partie du côté, elle défend l'ouverture du banquet, pour partie non. Mais la garde nationale, qui est la force principale du régime à Paris, il y a aussi une garde municipale, mais ça... on va passer vite, et divisé. Mais dans l'ensemble, le 22, les forces de l'ordre contrôlent la situation, c'est le fait qu'on tire sur la foule qui va déclencher en fait la révolution. Hein? Et l'ordre de tirer sur la foule a été donné, il n'y a pas de planification de ça, mais c'était plus qu'une maladresse, évidemment, une faute. Et au départ, le roi compte sur 30 à 40 000 hommes. Bon, 30 000 soldats et 40 000 gardes nationaux, ça devrait suffire. Hein, ça devrait suffire pour tenir le système. Seulement, le 23, le lendemain, la garde nationale, appelée par le gouvernement, s'interpose entre l'armée et les manifestants. Au lieu de se mettre du côté de l'armée, elle s'interpose. Ce qui rend encore plus difficile l'action de l'armée. Et une partie même crie de garde nationale, parce que les gardes nationaux, il y a ceux de l'Est de Paris qui sont plutôt plus populaires, et ceux de l'Ouest qui sont plutôt plus bourgeois, hein, crie donc « Vive la réforme !» Et dans d'autres quartiers, certains bataillons de la garde nationale protègent les ouvriers contre la troupe ou contre une garde spécifique qui s'appelle la garde municipale et qui, elle, est vraiment les CRS de l'époque, si vous voulez. Bon. Le roi décide finalement de ne pas engager dans ces conditions des troupes supplémentaires qui risqueraient le bain de sang et le régime tombe. Et là, c'est la République sociale qui s'installe pour un moment. Victoire qui n'est pas définitive, parce que ensuite, on va revenir en arrière, mais quand même, victoire très significative. Donc le point commun, c'est quand même ça. Hein, c'est quand même que les forces de répression sont divisées. Hein, divisées et que les élites aussi sont divisées. Alors, en 48, c'est plutôt la petite bourgeoisie qui est du côté de la Révolution. C'est pas la grande bourgeoisie, mais il y a ça aussi. Bon. Alors peut-être que je vais passer sur la commune, parce que je voudrais vous parler parce que je ne veux pas rester très longtemps, je préfère qu'il y ait des questions en fait. Hein. Mais bon, quelques mots quand même sur la commune. Ce qui est intéressant dans la commune, c'est que la commune commence par une insurrection donc de la garde nationale parisienne contre l'armée en fait. Contre l'armée qui obéit à un gouvernement conservateur et réactionnaire qui a été élu, qui est le gouvernement dit qu'on appelle de Versailles, parce qu'il s'est installé à Versailles, hein, dirigé par Adolphe Thiers. Donc c'est déjà une division entre des forces qui sont des forces publiques, hein, entre l'armée et la garde nationale parisienne. Et le gouvernement, en fait, refuse l'affrontement et retire l'armée. Le contexte, c'est celui de la fin du... c'est quelques mois après le siège de Paris, hein, où Paris a été extrêmement affamé et galvanisé en même temps par le siège par les troupes allemandes qui l'encerclent. On a donc 3 mois d'un gouvernement populaire, d'un gouvernement qui se veut, enfin, disons, socialiste, républicain de gauche, d'extrême gauche pour l'époque, qui d'ailleurs a beaucoup de mal à organiser ses propres forces de sécurité et ses propres forces militaires. Beaucoup de mal, alors qu'en théorie, il pourrait y avoir jusqu'à 150 000 hommes dans l'armée, puisque la commune fait sa propre armée, hein, elle mobilise. Il n'y en aura jamais plus de 40 000 ensemble, et encore. Hein. Donc ça, c'est le côté certainement sympathique de la commune, mais les dirigeants de la commune chargés de l'armée, qui sont les commissaires de l'armée, se succèdent les uns auprès des autres, en n'arrivant pas à organiser cela. Ce qui fait que pendant ce temps-là, l'armée de Thiers utilise très consciemment, enfin Thiers a retiré l'armée, hein, et pendant 3 mois, la commune s'organise, elle est isolée, elle est encerclée par les troupes de Thiers, et Thiers dispose des moyens d'information, il dispose en gros des médias, on dirait, et il utilise aussi toute la violence interne de la commune, qui est relativement limitée au début. Hein. La commune n'est pas un mouvement violent, mais il le devient plutôt à la fin, au moment où ils se sont acculés, ils savent qu'ils vont être... où s'approche ce qu'on va appeler la semaine sanglante, c'est-à-dire le moment où les troupes de Versailles vont reprendre la ville, et utilisent tous les éléments qui peuvent être considérés comme de la violence par l'extérieur pour discréditer le mouvement. Et ça marche très bien, hein. Ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que nous, on a souvent une mémoire positive de la commune, mais la commune est extrêmement mal vue globalement de l'extérieur, à part des cercles proprement socialistes, mais même les républicains se dissocient profondément de la commune, et même la gauche, on va dire aujourd'hui, se dissocie de la commune, et ce qui rend possible l'appui global. Global, pas total, mais l'appui de la majorité de la population, semble-t-il, à la reconquête de Paris, sachant que elle est reconquise par Paris, est reconquise avec des troupes qu'on a fait venir, l'armée que les Allemands ont laissé revenir, et des gardes nationaux de province. Donc on a fait venir les provinciaux contre les parisiens. Et ça a très bien marché, cette division. Les provinciaux contre les parisiens. C'est-à-dire, diviser un mouvement, c'est très très bien. Hein. Et donc les classes populaires des deux côtés, mais pas sur la même base. J'ajoute que le fait que la commune a condamné et exécuté l'évêque de Paris, à ce moment-là, à la fin, parce qu'il voulait l'échanger contre des prisonniers et Thiers a refusé. Thiers a poussé évidemment cela, mais les communards ont exécuté l'évêque de Paris et ça a joué énormément contre le mouvement. Parce que toute l'opinion politique, toute l'opinion catholique globalement, française et internationale, évidemment, a joué. Donc la commune est à des moments très, très glorieux, bien sûr, mais il faut savoir qu'après la commune, l'écrasement est total, la violence est considérable. Et c'est une vraie légende noire qui s'installe. La commune, du point de vue de la répression, c'est très efficace, hein, c'est très réussi la répression de la commune. Ça casse le mouvement socialiste pour au moins 10 ans, hein, et plus sans doute, en fait. Probablement le socialisme français aurait été différent sans ça. Hein. Donc c'est, on peut considérer que c'est un mouvement qui a des émotions glorieuses de la commune, et c'est sans doute vrai, hein, mais sa répression a été extrêmement bien faite, et la propagande contre très efficace. Très efficace. Voilà, je vais vous parler un peu donc maintenant des Noirs américains. Peut-être quelques rappels quand même. Les Noirs américains, c'est 10 à 15% de la population, suivant les moments, 15 à 10%. Hein, dans la période, à partir, disons, de la guerre de sécession, ils étaient 15%, ils sont aujourd'hui 10. C'est donc une minorité, et c'est une minorité dépourvue, sous l'esclavage, évidemment, de tout pouvoir, bien entendu, et de toute influence. Enfin, non pas de toute influence, mais d'un poids dans la société. Leur position minoritaire est considérable. C'est pas seulement qu'on leur donne pas accès au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas accès au pouvoir économique, au pouvoir intellectuel, à l'ensemble des positions d'influence. Hein. Ce qui rend les capacités de lutte très limitées. Hein. D'autant plus que, évidemment, avant 1860, 90% de ces Noirs sont esclaves et sont au Sud. Alors comment, et on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils ont a été obtenue l'abolition de l'esclavage. C'est quand même une victoire considérable, même si elle n'est pas totale, on y reviendra. Alors il faut rappeler qu'ils avaient quand même quelques éléments dans leur poche. D'abord, les Noirs du Nord étaient libres, de tous les États du Nord, ils étaient libres. Et il s'était créé une élite noire, là. Il y avait aussi une partie de noirs libres au sud, mais ceux-là étaient beaucoup moins libres de leur mouvement, on va dire. Et il se crée un mouvement de solidarité, enfin un mouvement qui s'appuie entre les abolitionnistes blancs du Nord, les radicaux, on va dire la gauche, qui à l'époque est une gauche aux États-Unis chrétienne, il faut bien le dire, protestante. Hein. Donc ça utilise beaucoup l'argument religieux. Vous connaissez sans doute tous La Cage de l'Oncle Tom, hein, qui est un livre très très profondément protestant. Donc il y a une énorme campagne de propagande par la presse, par la littérature, par les conférences, d'une part. D'autre part, l'action illégale. Donc je distingue l'action illégale de l'action violente. Hein. D'accord ? C'est pas la même chose. L'action illégale consiste en particulier à faire passer des esclaves qui s'échappent du Nord vers du Sud, vers le Nord, puis plus tard, quand le Nord les renvoie, vers le Canada. Ça s'appelle en anglais l'Underground Railway, le chemin de fer souterrain. Hein. Et ça concerne quand même des milliers de Noirs. Donc c'est pas suffisant, c'est marginal d'une certaine manière, mais ça manifeste l'esprit de résistance des Noirs, d'une part, et la solidarité d'un certain nombre de gens, parce qu'ils ont besoin d'une solidarité blanche, mais pour faire passer ces gens après. Donc, l'action dans, on dirait dire, les médias, l'action du mouvement abolitionniste, il joue d'ailleurs sur une peur aussi de l'extension de l'esclavage au Nord. Parce que même quand les nordistes sont pas follement anti, sont pas très pro-noirs, ils ne veulent pas que l'esclavage puisse être adopté au Nord. Donc, c'est un peu ça qui amène la guerre de sécession. Rien ne peut se passer au Sud, où les États sont esclavagistes, et Washington est complètement neutralisé. Donc l'État fédéral ne fait rien. Non seulement ça, mais la Cour suprême enlève des droits aux Noirs pendant toutes les années du 1850. C'est une régression. Alors comment est-ce que Lincoln peut être élu ? Il peut être élu par la division des esclavagistes entre deux parties, en fait. C'est la division des partisans de l'esclavage qui permet l'élection de Lincoln. Mais Lincoln seul, évidemment, n'aurait pas aboli l'esclavage. D'ailleurs, quand il est élu, il dit qu'il n'abolira pas l'esclavage, parce qu'il ne veut pas diviser le pays. C'est l'entrée en guerre des sudistes qui oblige Lincoln à déclarer la guerre, et qui, ce faisant, l'oblige à trouver des alliés. Et ces alliés ne peuvent être que les abolitionnistes. Et à partir du moment où il conquiert le Sud, et surtout avec des masses noires qui vont vers l'armée du Nord, et il ne peut pas leur tirer dessus quand même. Ce n'est pas possible. Donc, et surtout avec ces gens qui se considèrent comme libérés par le Nord, il ne peut pas leur dire « restez esclaves, les gars ». Donc, c'est la pression, c'est l'appui des abolitionnistes du Nord à Lincoln et la pression des Noirs du Sud libérés des esclaves, hein, qui oblige Lincoln à déclarer l'abolition. Quand je dis que ça l'oblige, c'était un abolitionniste de cœur, hein, mais il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas été obligé. Un homme politique, ce n'est pas parce qu'il a des convictions qu'il les applique, c'est parce qu'il est obligé de le faire. Hein. Plus les convictions, ça aide, hein, mais ça ne suffit pas, semble-t-il. Et en 63, donc, c'est l'abolition de l'esclavage. Et alors, à ce moment-là, la guerre est tellement dure que cette guerre, il faut bien l'avoir fait pour quelque chose. Et donc, le thème de la guerre devient progressivement l'esclavage. Mais ce n'est pas le cas au début. Hein. Mais il faut bien l'avoir fait pour une raison. Et donc, ça devient une guerre de idéologique, une guerre pour la liberté. Et comme c'est une guerre pour la liberté, les Noirs peuvent utiliser ça en 65 pour obtenir le droit de vote. Ce qu'ils obtiennent, le droit de vote, la libération, ils obtiennent une période de 15 ans qu'on connaît peu en France, mais qui est une période dans laquelle le Sud est gouverné par les Noirs et les Blancs réunis, avec des politiques d'aide aux Noirs, avec des hommes politiques noirs au Sud. Il y a une période qu'on appelle la Reconstruction. Et là, vous voyez, il y a une collaboration entre les Blancs progressistes, les Noirs et l'armée, parce que le gouvernement de Washington a besoin de l'appui des Noirs pour être élu. Et donc, ils ont réussi à retourner le gouvernement et l'armée. Et on a une situation où c'est l'armée fédérale qui appuie les droits des Noirs au Sud. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que les sudistes blancs reprennent le pouvoir. Vous m'arrêtez hein, quand il faut. Hein. Les sudistes noirs blancs reprennent le pouvoir au Sud. Pendant 15 ans, ils perdent le pouvoir. Ils sont occupés. Hein. Ils reprennent le pouvoir au Sud et reprennent aussi la main sur Washington. Et progressivement, entre 1877 et 1890, le Sud établit ce qu'on appelle la ségrégation. C'est-à-dire retirer les droits, des droits politiques aux Noirs, le droit de vote progressivement, mais aussi des droits économiques, imposer des droits éducatifs, etc. Mais cette période est importante parce que, entre-temps, les Noirs ont quand même obtenu l'école, des écoles, des universités. Et ça, on ne peut pas leur retirer absolument. Et donc, la période devient extrêmement difficile pour les Noirs en 1890 à peu près. Hein. La Cour suprême, tous les pouvoirs fédéraux se retournent contre eux, y compris la Cour suprême, qui déclare la ségrégation légale. La ségrégation, ça veut dire qu'il y a tout un système juridique qui interdit la cohabitation des races et qui, de fait, traite en termes non seulement de légal, mais en termes financiers, les Noirs différemment. C'est-à-dire qu'il y a des écoles noires, il y a des écoles blanches publiques, mais les écoles noires ont 5 fois moins d'argent par élève que les écoles blanches, hein, par exemple. Mais comme ça ne suffit pas, parce que les Noirs ont goûté à la liberté et en ont souvenir, se développe la culture raciste du Sud, qui est la culture de la violence, c'est le lynchage, c'est le Ku Klux Klan, c'est une violence qui se déchaîne sur les Noirs jour après jour pour les remettre à leur place, parce qu'ils en sont sortis. Donc cette violence raciste, ce racisme du Sud, n'est pas c'est pas l'idéologie du Sud, c'est la manière dont le Sud a dont les élites du Sud qui ont rétabli sa ségrégation utilisent la violence de la population blanche pour maintenir, pour empêcher les Noirs de sortir de leur situation, sachant qu'ils ne demandent que ça, et qu'ils n'ont jamais cessé de lutter. Hein. La lutte des Noirs n'a pas cessé un seul instant. Mais en l'absence d'alliés, ils ont perdu leurs alliés blancs, ils ont perdu le Washington, ils ont perdu leurs alliés locaux, Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus aucun rapport. Toutes les autorités publiques, toute la justice, toute la police, toute l'armée, tout est contre eux. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se forment. Ils se forment, ils essayent de survivre d'abord. Hein. Ils se forment dans les quelques universités qu'ils ont pu garder, dans les quelques écoles qui ont pu se créer. Il y a aussi un développement économique de certaines communautés quand même. Il y a une bourgeoisie noire qui se crée. Et puis l'Église. L'Église, on ne peut pas la leur enlever, parce que même le Sud ne peut pas la leur enlever. Donc les Églises. Les églises deviennent des notaires et de revendications extrêmement forts. Et ça réapparaîtra au moment de la lutte des droits civiques. Donc, tous les espaces qui sont des espaces de liberté sont maintenus. Ils ont obtenu quand même, par rapport à l'esclavage, des choses. Ils ont la propriété, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont quand même la possibilité d'en avoir, un peu pour certains. Donc, ils peuvent avoir. Ils ont un peu l'éducation, ils ont la mobilité. Et devant cette situation terrible des Noirs, du Sud, à partir de 1920, il y en a à peu près 20 à 30% qui se barrent, quoi. Leur liberté, c'est de se barrer vers le Nord, où la situation est très dure, mais moins dure. Donc, vous voyez, la réflexion, c'est celle de quels alliés on a, quel rapport on a avec le pouvoir, avec les institutions de répression, et avec les médias et la question de l'opinion publique. C'est-à-dire, qui on peut avoir de son côté. Voilà. Et justement, ça commence à bouger à partir de la fin des années 30. Une partie de l'opinion publique blanche, au nord, mais aussi un peu au sud, commence à se retourner, progressivement. Et l'appareil judiciaire aussi. Or, c'est très important ça, parce que les États-Unis, ça passe par la justice souvent, et par la Cour suprême en particulier. Il commence à y avoir des arrêts de justice qui commencent à grignoter la ségrégation. Mais le système tient complètement au sud. Le système est toujours aussi violent, ne bouge pas au sud. Les Noirs eux-mêmes bougent, mais pas le système. Donc, au début des années 50, le système est tout aussi bloqué au sud qu'il était 50 ans avant. Rien ne bouge du point de vue blanc, du point de vue des lieux de pouvoir, des structures de pouvoir. Washington les a abandonnés, les États du Sud les ont abandonnés, la justice, la police, rien n'a encore bougé. Mais les Noirs sont organisés. Beaucoup mieux organisé qu'avant. Il y a une élite beaucoup mieux éduquée qu'avant et des masses beaucoup plus liées à cette élite qu'avant. Parce que ce n'est pas seulement une question d'élite. Il faut qu'il y ait un lien entre les élites et les masses. Bon. Et c'est ainsi qu'émerge un certain nombre. C'est ainsi que commence le mouvement des droits civiques. D'un côté, les élites noires jouent le jeu du système, c'est-à-dire attaquent en justice. De l'autre, les masses noires sont là pour pousser. D'abord, les juges, Washington, ils savent bien qu'ils n'obtiendront rien localement tout de suite. C'est pas au sud que ça va bouger. Ça ne peut bouger que par Washington. D'accord ? Parce que le sud est minoritaire aux États-Unis. Bon. Donc, ça va bouger. Donc, d'une part, ils maintiennent la pression sur Washington, ils maintiennent la pression sur les juges. Et une fois qu'ils obtiennent des jugements favorables, ce qui est le cas, parce que les juges ont changé, ça ne change rien. Parce que le pouvoir et fédéral et local n'applique pas les décisions. Alors là, ils descendent dans la rue. Et ils utilisent toutes les armes qu'ils ont. Le boycott, la manifestation de masse, le sitting, toute une série de masses, de mouvements, de solutions qui ont été en fait élaborées dans les années qui précèdent. Et ils décident la non-violence. Et la non-violence, c'est pas être cool. La non-violence, c'est faire une analyse de la situation qui consiste à dire la chose qu'on va nous reprocher, c'est d'être violent. Il faut qu'on gagne l'opinion publique. Il faut qu'on gagne l'opinion publique et il faut qu'on gagne les élites. Il faut qu'on gagne le gouvernement. D'accord ? Le Sud, les autorités du Sud, c'est foutu. On les aura pas. On le sait. Alors comment on va faire ? On va les obliger à être tellement violents devant l'opinion publique, que l'opinion publique va basculer de notre côté. Et comment les obliger à être très en ne l'étant pas ? En ne l'étant pas, c'est-à-dire en se faisant littéralement taper dessus, dans certains cas tuer. Alors c'est pas des. C'est pas du tout Martin Luther King, par exemple, qui souffrira le plus parce que il va finir par être assassiné, mais Mais Martin Luther King, ce sont des gens qui se font tabasser jour après jour, hein. Jour après jour. Les militants des droits civiques, c'est pas de la rigolade. Quand on dit qu'ils sont non-violents, la violence, ils la connaissent, hein. Bon. Mais la stratégie est celle-là. Et elle est faite par un encadrement extrêmement fort. Ouais, c'est fini là, quasiment, hein. Par un encadrement extrêmement fort des masses, par un ensemble de gens qui sont des militants politiques, des pasteurs, etc. J'ajoute que l'Église, à l'époque, est extrêmement politisée, l'Église noire. Et que quelqu'un comme Martin Luther King joue son jeu de pasteur, mais il a toujours dit qu'il faisait de la politique. C'est-à-dire que c'est pas la religion, hein. C'est pas de la religion du tout. Il utilise son aura et sa technique de pasteur, mais c'est de la politique. Donc ce sont des leaders politiques à tous les niveaux, des leaders communautaires aux États-Unis, c'est-à-dire des gens connus dans leur communauté, qui encadrent la communauté et qui, à chaque fois qu'il y a des débordements de violence potentiels, vont les voir et un par un les convaincre de ne pas le faire. Et c'est très compliqué, parce qu'ils se font tuer. Ils se font tuer. Bon, il y a des maisons qui brûlent, il y a quatre petites filles qui meurent à Atlanta, enfin... Ce sont des choses absolument épouvantables, mais ils tiennent bon sur la stratégie. Et ça dure 10 ans. Alors, je pourrais répondre à la question plus précise, hein, parce que c'est assez compliqué en réalité. Tout ne marche pas, hein, tout ne marche pas. Il y a des mouvements qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Luther King, il a, par exemple, il y a un mouvement en Albany, en Géorgie, qui ne marche pas du tout. Je ne sais plus si c'est la Géorgie ou l'Alabama, mais vous me pardonnerez. Qui marche pas du tout pendant un moment. Donc ça marche pas, mais quand ça marche pas, ils relancent le truc. Et ils sont en permanence d'un autre côté. Il y a ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont en train de négocier avec Washington. Hein? Et avec les locaux, parce qu'une partie des blancs locaux commence à se dire que ça sent le roussi. D'abord, il y a un phénomène de honte, hein, quand même, d'un certain nombre de blancs du Sud. Pas tous, hein, loin de là, mais un certain nombre de biens du Sud. Et puis les affaires, ça commence à pas marcher. Le boycott, c'est très efficace. Hein, parce que, ça commence à bouger quelque peu. Et toute la stratégie va être une stratégie de tension, mais très forte, avec le gouvernement fédéral. Et jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire que jusqu'au vote du Voting Act de 65, donc de 54 en fait, à 65, ça fait 11 ans de lutte où jusqu'au bout, la pression est faite sur le gouvernement fédéral pour obtenir des lois qui imposent le droit de vote, l'égalité, etc. Bon. Et globalement, ça marche, mais avec un problème majeur, c'est que ça marche au niveau légal. Hein. Parce qu'en même temps, dans le Nord, le mouvement se lève, mais dans le Nord, le mouvement n'est pas pour le droit de vote, les Noirs votent au Nord. Hein? Donc le mouvement est social, il n'est pas politique, enfin il est politique, mais il n'est pas pour le droit de vote, il n'est pas pour la fin de la ségrégation, ou pas vraiment, il y a un peu de ségrégation au Nord, mais pas beaucoup, c'est pas du tout la même chose que dans le Sud. Donc au Nord, le mouvement est plus radical parce qu'il est directement social, hein? Et il s'incarne dans des personnalités que vous connaissez comme Malcolm X, hein? et avec un discours qui n'est pas le même discours que le Nord, qui n'est pas un discours de citoyenneté américaine, que le Sud veut dire, les Sudistes disent on est des citoyens américains comme vous. Martin Luther King, Malcolm X dit on n'est pas des citoyens américains puisque vous ne nous traitez pas comme tels. Et donc on va se développer en tant que noirs séparatistes. Donc ce débat séparatisme-intégration est un débat de tous les mouvements populaires et insurrectionnels, hein, et minoritaires. Bon. Mais en fait ça marche en quasi-synergie parce que c'est la peur du développement du mouvement au Nord qui pousse Washington à lâcher du lest au Sud. J'arrête là parce que, simplement pour vous dire que ce mouvement, il a eu ses succès énormes et considérables. C'est une révolution à certains égards, mais c'est une révolution avortée évidemment. Il n'obtient pas ou peu les droits sociaux qu'il demandait. Martin Luther King et Malcolm X, vous le savez, assassiné en 65, Martin Luther King en 68. Et là, par contre, la violence se déchaîne. Le jour de la mort de Martin Luther King, ce sont toutes les États-Unis, Sud comme Nord, surtout le Nord, en fait, paradoxalement. Et on comprend bien pourquoi. Enfin, bon. Sauf que le résultat c'est 5 ou 6 ans de soulèvement noir, très intéressant, très remarquable, appuyé par un parti, entre autres, qui s'appelle le Black Panther Party, mais il faut bien dire que c'est globalement un échec. C'est un échec. Ça, c'est pas forcément le résultat, Mais il faut savoir qu'en 68, c'est Nixon qui est élu. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite idée de Nixon. Ce n'est pas vraiment un grand ami des Noirs, même s'il ne revient pas sur les avancées légales qui ont été faites. Les mouvements d'insurrectionnels des Noirs au Nord, les émeutes, entraînent une désolidarisation complète des Blancs, même libéraux, de la question noire. La question noire redevient une question purement noire. Et les insurrections noires sont écrasées les unes après les autres. La déségrégation entraîne le fait que la bourgeoisie noire quitte les ghettos noirs du Nord, où elle n'a plus besoin d'habiter, et les ghettos noirs deviennent des ghettos sociaux et pas seulement des ghettos raciaux. Et on entre dans un nouveau problème qui n'est pas encore réglé, et qui est le problème du sous-prolétariat noir du Nord. Et donc, de ce point de vue-là, la violence insurrectionnelle du Nord a abouti à des résultats très limités, on va dire. Même si elle a maintenu la pression sur la société américaine et sur le gouvernement américain. Voilà, ce sont des remarques un peu en vrac que je vous ai données. Et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci, bonjour et merci pour l'exposé. Pour commencer, puisqu'on parle des Américains, on peut dire que les mouvements de révolte américaine ont été instruits, on parle de Malcolm X, tout ça, par les mouvements africains. Donc ce sont les mouvements de révolte africaine qui ont inspiré les mouvements noirs américains. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on est français, de parler des révoltes en Afrique, parce que notre pays, la France, a combattu énormément de révoltes en Afrique et qu'ils ont vraiment dominé outrageusement. Pour revenir à la révolte la révolte de la France, c'est 1700, je sais pas combien, la révolution française. En fait, il faut savoir que toutes les révolutions fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des puissances économiques, industrielles ou banquières qui regardent sociologiquement certains peuples. Dans certains peuples, ils regardent ceux qui ont faim, ceux qui sont affamés, ceux qui ne sont pas contents. Ensuite, lorsqu'ils ont visé ceux qui ne sont pas contents, ils vont leur donner des armes ou leur donner des occasions, des soutiens de se révolter. Donc la Révolution française, que tout le monde pense que la France s'est battue tout seul, ils ont été arnaqués par l'Angleterre et l'Allemagne. En tuant le roi de France, on a enrichi la couronne d'Angleterre. Et c'est pareil avec dans tous les mouvements de révolution. Lorsqu'un peuple se révolte, c'est un autre peuple qui s'enrichit. J'ai pas noté, donc il y a plein de sujets que je voulais relever. Donc déjà des révoltes africaines qui sont pas du tout parlées, parce qu'on peut pas parler des révoltes de Martin Luther King, de Malcolm X, sans parler des révoltes africaines, ça a aucun sens. Lorsqu'on parle de Malcolm X a trois étapes dans sa vie. Il a la première étape où il est en prison, il apprend à devenir non plus un gangster, mais un être humain. Il apprend qu'il est un être humain qui souffre. Donc il se bat en révolté, et là vous l'avez bien signifié, c'est-à-dire qu'il se bat en tant que peuple qui veut se séparer. Mais il y a une troisième partie de Malcolm X. Malcolm X, c'est pour ça qu'il se fait assassiner. Malcolm X se fait assassiner parce qu'il dit aux États-Unis, un blanc, un portoricain, un noir, un asiatique sont tous frères. Et nous devons tous vivre en paix. C'est pour ça qu'il se fait assassiner. C'est pas parce qu'il est révolté. Parce que tant que les Noirs sont révoltés, ben ça interdit. Tout le monde est content. Ça veut dire que ces mecs-là, c'est des abrutis, ils se révoltent. Mais le jour où il dit, nous avons tous être dans un pays où nous devons avoir la paix et vivre tous ensemble, parce que c'est ça qu'on ne dit pas assez de Malcolm X, c'est à partir de là qu'il se fait assassiner. Ensuite, on peut revenir sur Martin Luther King. Comme on a dit, c'est un businessman, un homme politique. Donc, tout le monde connaît Martin Luther King comme la personne qui a créé la révolution noire américaine, mais c'est celui, lui, qui l'a trahi. Parce que Martin Luther King a signé des accords avec le FBI, la CIA et l'oligarchie dominante. Et c'est parce qu'en signant ces accords-là, il a pu être soutenu et aidé dans sa révolte et dans sa marche. Parce que la révolution qu'on dit des peuples ne marche pas lorsqu'on n'est pas soutenu par des oligarchies. Et les oligarchies dominantes bancaires qui possèdent la CIA et le FBI ont soutenu la révolte de Martin Luther King. Et Martin Luther King n'est pas le seul. Il faut parler de tous ces femmes, de tous ces noirs américains, comme vous le dites, qui ont vraiment souffert et qui, eux, se sont révoltés. Lui, Martin Luther King, il a fait des discours, il a marché devant. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Martin Luther King était promis à être le premier noir président des États-Unis. Et lorsque sa marche a fonctionné, et lorsque son I have a dream, qui était une arnaque pour la pensée humaine, parce que lorsqu'on dit I have a dream, nous serons tous égaux, ça veut dire pas tout de suite, dans 100 ans, dans 200 ans, un jour peut-être nous serons tous égaux. Mais le peuple, lorsqu'il entend des belles phrases, il applaudit, parce que le peuple aime la poésie. Et ça aussi, c'est une arnaque pour le peuple, la poésie. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à aimer la poésie. Maintenant, lorsqu'on veut revenir, excusez-moi pour ça, mais lorsqu'on veut revenir, ah, ça ne m'empêche pas d'être un poète aujourd'hui, mais c'est pas grave. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Martin Luther King, il faut comprendre comment fonctionnent ces oligarchies. Et comment ces oligarchies mettent les uns contre les autres. Comment aujourd'hui on a fait des attentats avec les musulmans et on dit les musulmans sont méchants. Les musulmans sont des assassins. Donc il faut aider les musulmans parce que les autres ne sont pas contents lorsqu'on dit que les musulmans sont méchants. Et donc on va financer des extrémistes musulmans et des églises, des mosquées pour dire aux musulmans, regardez, nous ne sommes pas anti-musulmans. Et donc d'un côté on dit aux musulmans, c'est les méchants, c'est les attentats. De l'autre côté, on va financer ce système qui va rentrer dans la population et qui va mettre tout le monde dans la domination religieuse. Et lorsqu'on parle de révolution, et là vous avez tout à fait raison, aucune révolution dans aucun pays n'a été soutenue par une puissance militaire, une puissance bancaire. La guerre de sécession a été faite par les banques Rothschild et autres qui ont financé les gens du Nord, financé les gens du Sud et les ont mis les uns contre les autres. Et celui qui gagnait enrichissait les banques. Et toutes ces révolutions sont des révolutions bancaires. Maintenant, il faut nous réapprendre à se révolter de nous-mêmes, sans accord avec les banquiers, sans accord avec aucune puissance de merde, et que les peuples entiers se parlent et le peuple entier se révolte pour de vrai. Et c'est ça, ça fera le vrai changement de toutes les révolutions qu'on a eues jusqu'à présent. Merci. Est-ce que... Oui. Alors, j'ai juste précisé, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, hein, parce que je pouvais pas, j'ai été rapide. Alors, il y a une autre question posée par les mouvements insurrectionnels, c'est leur dimension transnationale, en fait. Et c'est vrai que le mouvement noir américain, comme tous les mouvements noirs, en fait, aussi pour l'espace Caraïbe ça vaut, et pour les Africains, a toujours aussi pensé transversalement, c'est-à-dire l'ensemble des populations noires, ce qu'on appelle le panafricanisme. Et de ce point de vue-là, c'est une dimension importante. Mais en fait, aux États-Unis, ça dépend des moments. Quoi. Quand il n'y a pas de possibilité de lutte locale, on insiste sur la dimension panafricaine. Martin Luther King, ça a été, mais pas seulement Martin Luther King, mais tout ça est lié aussi au moment de décolonisation. Hein. Ça se passe au même moment, et c'est pas un hasard. C'est le rôle en particulier du Ghana et de Nkrumah qui invite en fait. Les Noirs américains. Bon. Sur Malcolm X, effectivement, la troisième phase de Malcolm X, c'est une phase où il cesse d'être séparatiste et où il se rapproche en fait d'un Malcolm X qui lui-même est en train de devenir plus à gauche, plus radical, parce qu'il voit que ça avance pas du côté social. Alors sur Martin Luther King, on n'est juste pas d'accord, ce qui est tout à fait possible, la preuve. Voilà. C'est pas grave. Ah, si, ça y est, ça marche. Donc, je pense qu'il est dans une position. Donc, moi, personnellement, je suis totalement convaincue de la supériorité de la stratégie non violente dans la mesure où ce que vous décriviez déjà à l'époque de la Commune est, à mon avis, multiplié par puissance 1 million aujourd'hui dans une société ultra médiatisée, une société du commentariat où toutes les informations circulent très vite. Ma problématique à moi repose plutôt sur la question, à partir du moment où il y a visiblement deux stratégies différentes qui se confrontent, c'est-à-dire ceux qui défendent la stratégie non violente afin de gagner l'opinion générale qui, à elle seule, peut faire basculer la lutte, que faire face à ceux qui, eux, ont adopté une autre stratégie, ceux que le gouvernement appelle très improprement les casseurs, par exemple, qui sont loin d'être des gens, c'est des gens intelligents, qui ont réfléchi leur stratégie, etc. Moi, je juge que notre stratégie non violente n'entache pas la leur, mais que leur stratégie à eux a une répercussion sur la nôtre. Et donc, moi, ma question, c'est comment réagir face à leur stratégie et face à eux. Alors, je suis pas forcément convaincue du fait de devoir se désolidariser de certains actes de violence, parce que quelque part, on se divise nous-mêmes alors qu'on défend les mêmes choses. À l'inverse, ne pas se prononcer, je pense que ça peut être très toxique aussi. Enfin, c'est une vraie question que je me pose depuis quelques semaines, à laquelle pour l'instant j'ai encore quelques difficultés à trouver une réponse. Et donc, est-ce que l'histoire a des éléments de réponse à ça, à cette question, quoi? Oui. Alors, c'est une sacrée bonne question, évidemment. D'abord, j'ai pas exactement dit que la non-violence était la stratégie à tous les coups. Hein, j'ai dit que, qu'il faut analyser les forces en présence. D'accord. Aujourd'hui, ça pourrait bien marcher. Et alors, la non-violence, c'est toute une série de, c'est une panoplie de stratégies. Hein. C'est bon. J'ai pas dit que bon, mais quand on n'a pas beaucoup d'alliés au sein du système, on va dire, et quand on dépend de l'opinion publique, c'est pas nécessaire de se ruer sur la caricature que l'on sait que les forces de répression vont faire de vous. C'est parce que ça marche, enfin, je veux dire, c'est prévu, tout ça. Il faut imaginer qu'il y a des gens qui font de l'histoire de l'autre côté aussi, hein. Il y a de très bons historiens au sein de l'État et des forces de police, hein. Ils sont très bons aussi. Donc ils savent très très bien comment discréditer quelque chose. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire très exactement ce qu'on attend que vous fassiez pour vous discréditer? Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, on peut au moins dire ça marche pas et c'est dangereux. Enfin, il me semble. Non, enfin, ça me semble, c'est dangereux. C'est-à-dire, ça peut se retourner. Voilà. Ensuite, se désolidariser, je sais pas. Je sais que c'est sous le débat, si vous voulez, entre ben justement la stratégie, disons, du Black Panther Party, qui n'est pas forcément. Il y avait de la violence, hein, ils jouaient à la milice. La réalité, ils n'étaient pas si violents que ça. Hein, bon. Mais. Luther King était très très loin. Luther King a été jusqu'à ne jamais physiquement réagir à la violence qu'il recevait et dire qu'il faisait que manifester et faire des discours. C'est faux. Il s'est fait blesser. Enfin, il a eu 14 bombes devant chez lui. Il a manqué de mourir 3-4 fois. Enfin bon. Donc il a eu beaucoup de violence physique contre lui. Hein, attention. Bon. Et il n'a jamais levé le bras. Et non seulement ça, mais il a refusé de porter plainte. Ça allait très très loin dans sa stratégie. Hein. Très très loin. N'empêche que ça lui a permis d'être l'homme de l'année de Times 1963, et c'est peut-être grâce à lui qu'on a eu le Voting Act de 1965 qui a complètement bouleversé l'équilibre politique du Sud. Parce que si les Noirs votaient, ça changeait tout. D'accord ? Et pas seulement grâce à ça, mais grâce au fait qu'il a d'un coup de. Il allait par ailleurs dans les manifs. Enfin, il a joué, en fait, il était un peu partout, si vous voulez. Donc ça, c'est une stratégie. On peut aller jusque-là. Hein. On peut aller jusqu'à. Donc, faut-il se désolidariser? En tout cas, on peut le faire. Il y a des gens qui l'ont fait. Est-ce qu'il faut le faire? Ça, ce n'est plus l'historien qui parlerait. Donc, ça ne vous intéresse pas. Bon, on va en parler entre nous, si vous voulez. Mais pas avec cette position-là de moi devant vous. En revanche, ça peut parfaitement se faire. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, oui. Je sais pas qui était en. Ça vous dérange si on fait des gens qui n'ont pas encore parlé? Et puis après, je vais vous prendre la question. Alors. Merci en tout cas pour le discours que vous avez fait. C'était très intéressant. Alors, pardon. donc, bonjour à tous. Merci pour votre discours. Je voulais répondre à ce que vous aviez dit de manière générale et le replacer aussi dans notre contexte, finalement, Nuit Debout. Pour moi, le sujet de la violence est intéressant, parce que finalement, toute violence est relative. Moi, disons que je suis partie d'une position assez, pacifiste, mais il est évident que le pacifisme, aujourd'hui, n'amène à rien du tout. Parce que bon, c'est très bien de s'asseoir, de rester non violent, mais finalement, qu'est-ce qu'on apporte au système? Enfin, qu'est-ce qu'on fait finalement pour le modifier? J'ai l'impression que c'est assez limité. Alors effectivement, dans l'histoire, on a eu tendance à dévaloriser ce qu'on appelle la violence, et dire qu'effectivement c'est forcément une agression illégitime. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la démocratie pour nous, jeunes qui sont en France? Comment on le ressent? Finalement, est-ce que c'est pas finalement une violence qu'on fait à la démocratie? Et du coup, nous, en tant que citoyens, quel est notre devoir? Et là, je m'interroge et je vous interroge justement sur cette notion de violence. Je pense qu'il faut réfléchir à une action, non pas violente, hein, physiquement, mais à des alternatives véritablement durables dans le temps et qui soient concrètes. Parce qu'effectivement, faire des sittings, je suis d'accord, c'est important de se retrouver avec, avec le reste des jeunes et des moins jeunes, peu importe. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Parce qu'effectivement, on va toujours nous taxer d'amateurs, etc. Au meilleur des cas, on est amateur. Au pire des cas, on est associé à des casseurs. Bon. Faut voir aussi quelle est la portée de ça. Je pense qu'il est nécessaire qu'on se réveille, parce qu'il me par rapport, on peut faire effectivement ce parallèle avec cette époque-là. On a eu tendance à dire Malcolm X, c'était le méchant, le violent qui appelait à se battre, mais il faut quand même étudier aussi son histoire qui est très intéressante. Et je compléterai même par rapport à ce que monsieur a dit, son évolution est assez intéressante, notamment par rapport aux deux dernières années de sa vie. Là, il y a eu un virement total, d'ailleurs, qui provient d'un fait religieux, hein, notamment par rapport au pèlerinage, où là, il a eu une vision un peu plus universaliste. Non, mais le fait aussi d'être sorti de ce ghetto qu'étaient les États-Unis et de voir qu'effectivement, il y a une vision quand même beaucoup plus universaliste. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc je pense qu'il y a quand même eu un trucage, entre guillemets, de l'histoire. De toute façon, l'histoire, c'est forcément celle des puissants. Je suis désolée de faire un peu catégorique. Mais voilà. En tout cas, nous, quelle est notre position? Je pense que faire les niais, dire oui, c'est pas bien, ça c'est bien, etc., on est des citoyens libres. Moi, je dois avouer qu'aujourd'hui, moi, ma vision de ce qu'est la Ve République, ce qu'est la République, la démocratie, honnêtement, j'ai une vision très négative. Hein. Et je trouve que, voilà, le discours officiel qu'on nous donne, c'est « vous êtes libre », etc. Mais où est la liberté, finalement? Et je crois qu'il faut qu'on se réveille, parce que finalement, on est en crise, mais dans une crise globale. Et je pense que les exemples, notamment de la cause noire, peuvent être intéressants et doivent être remis en question, finalement, par rapport à l'écriture officielle. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réécriture, hein, par rapport à ce sujet-là. Excusez-moi d'avoir parlé beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Merci. Et je vais peut-être une autre question avant que je... Comme ça? Ah d'accord, ok. Rapidement pour répondre à l'auditrice précédente, on n'est pas en démocratie, on choisit pas les gens pour qui on vote et une fois qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, quoi. J'en ai marre d'entendre parler de démocratie alors qu'on n'est pas en démocratie en France. Bon, rapidement. Pour répondre au monsieur là, à propos de Martin Luther King, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Le FBI, il avait peur que la CIA, ils avaient peur qu'on est en période de guerre froide, ils avaient peur qu'il y ait des rapports avec les communistes, l'URSS, etc. Enfin bon, bref, aussi Luther King, il est obligé aussi de faire des compromis, hein, avec les Kennedy, etc. Il pouvait pas, pour faire réussir son mouvement, la politique, c'est des compromis. Par contre, je rejoins le monsieur dans le sens où effectivement, c'est souvent des intérêts qu'il y a derrière. Je pense qu'aussi l'histoire de l'abolitionnisme, dans la guerre de sécession, etc., il y avait des intérêts économiques aussi derrière, hein, c'était pas que l'abolition des esclaves, c'est là où je rejoins monsieur. Pareil pour l'histoire de la non-violence, avec monsieur Luther King, là, dans la lutte des Noirs. Ils avaient besoin de martyrs, quand même, faut pas l'oublier, quoi. C'est les martyrs qui faisaient que les masses, après, vont être sensibilisées par la lutte des Noirs, hein. S'il n'y a pas de martyrs, c'est les martyrs, hein, qui faisaient que les Blancs avaient honte dans le Sud. Et les martyrs, c'est important, et faut pas négliger cet aspect-là de la violence, les martyrs, quoi. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir, nous aussi, vu qu'il y a des intérêts en jeu, quels intérêts pourraient faire que notre mouvement pourrait mieux réussir. Ce serait peut-être intéressant aussi de voir les choses comme ça, puisqu'il y a toujours des intérêts derrière. Est-ce que Nuit Debout aurait pas, pourrait pas faire des compromis, c'est de voir ce qu'il y a derrière, certaines choses, pour pouvoir réussir mieux en jouant avec des intérêts des uns ou des autres, hein. Comme Monsieur Lincoln, pareil, avec des intérêts avec la lutte des Noirs pour se faire élire, etc. Ou Monsieur Kennedy aussi après. Hein. Donc, il faudrait voir aujourd'hui dans les luttes. Parce que je ne sais pas si c'est bien qu'il y ait des martyrs, si on est dans la violence, je ne sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si c'est vraiment bien qu'il y ait des martyrs. Et puis ouais, essayer de voir s'il n'y aurait pas justement on n'aurait pas des compromis, des intérêts à faire pour pouvoir que notre mouvement réussisse et qu'on ait plus de démocratie en France et pouvoir faire sortir le capitalisme par la démocratie. Oui, bonsoir. Dans ce qu'on disait, on pouvait aussi citer France Fanon, qui était médecin et que, pour faire son service militaire, a été en Algérie. Et en allant en Algérie, il s'est trouvé dans une ambiance, si je peux dire, ou sur un terrain fertile, et où il découvre l'injustice, entouré d'intellectuels algériens, des révolutionnaires algériens. Et il prend une dimension, et dans sa vision des choses, puisqu'il était au creuset même des injustices et d'un peuple qui était en train de se soulever depuis 3 ou 4 ans, et là, il découvre le non-sens humain, et il va faire des écrits merveilleux. Permettez-moi, je ne fais pas du tout de la publicité pour cet homme qui est mort algérien, qui est mort de nationalité algérienne, et qui a fait des écrits sur la condition humaine et sur beaucoup de choses absolument merveilleuses, sur la révolte. N'oublions pas que la révolution algérienne a été l'étincelle pour toutes les révolutions africaines. Et aujourd'hui, on a tendance à dénigrer, mais c'est une révolution vraiment qui a été l'étincelle de beaucoup de choses. Alors, là aussi, le peuple algérien ou l'élite algérienne, c'est pas quelque chose qu'ils ont découvert du jour au lendemain. Ça s'est passé sur plusieurs décennies où à la fin, ça finit par exploser. Voilà, je voulais un petit peu te souligner ce titre-là, ces choses-là. Aujourd'hui, en France, je parle des politiques, il y a une négation totale de l'histoire de plusieurs pays, de plusieurs peuples, qui fait partie de l'histoire de France. Et lorsqu'on parle de... Il y a certains enseignants ici. Lorsqu'on parle de l'enseignement, si dans cet enseignement, on n'introduit pas une dose, je ne sais pas quel est le pourcentage, aujourd'hui, la France, je ne fais pas de découverte, est une France multiculturelle, multinationale. Ici, et aujourd'hui, l'enseignement doit absolument tenir compte de cette nouvelle identité française, si on veut une société peut-être idyllique, je dirais harmonieuse, mais en tout cas vivant en paix avec les différentes composantes de cette société française. Je vous remercie. L'écrivain, c'est France Fanon. Il a écrit Peau noire, peau blanche dans... Ouais, je vais te répondre aux trois personnes qui ont parlé. En tout cas, ce qu'il faut faire pour la première personne qui a parlé, hein, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais les gens qui gagnent, en général, ont un plan et ont un projet. Et le projet des gens qui décident d'utiliser la violence est-il le même que ceux qui décident de ne pas l'utiliser? Si c'est pas le même, c'est l'un ou l'autre projet qui va l'emporter, ou aucun des deux. Hein, ou aucun des deux. La violence, moi je suis réticent à l'idée de mettre toutes les violences sur le même plan. La violence sociale, c'est une réalité. On vit des violences, ça dépend de sa situation, à vrai dire. Mais pour passer à la question de la non-violence, d'abord, la non-violence n'est pas du pacifisme. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. D'accord ? Mais historiquement, je veux dire, c'est rien à voir. Ni Gandhi, ni Martin Luther King, ni les penseurs de non-violence n'ont jamais été des pacifistes. Ça a été même des gens qui étaient d'une force et d'un usage de la force permanent. Par ailleurs, ils n'étaient pas en démocratie. C'est-à-dire que Martin Luther King a dit, le Sud, c'est pas une démocratie. Le Sud, c'était pas une démocratie, hein, pour les Noirs. Mais, je vais faire comme si ça l'est, puisque vous le dites. Puisque vous dites qu'on est en démocratie, je vais utiliser ce fait que vous le dites pour agir. C'est pas la même chose. C'est pas, je sais pas si on est en démocratie ou pas en France, je pense que dire qu'on n'est pas en démocratie est une formule un peu rapide, mais là, on est dans un État qui se dit démocratique. Et là, il faut le prendre au mot. Enfin, en tout cas, on peut le prendre au mot. Et c'est exactement le point de départ, si vous voulez. Mais dans une situation qui est une situation de violence. C'est-à-dire que la violence. Alors, le sitting, c'est cool peut-être. Enfin, c'est le sitting des Noirs aux États-Unis, c'est un espace dans lequel ils s'installent et voient arriver des policiers qui leur tapent dessus, qui les tuent, qui les rendent borgnes, qui enfin etc. Je veux dire, donc c'est pas juste cool. Hein. Donc voilà. Donc l'action non violente est une action qui peut être déterminée et qui, j'ajoute, peut être éventuellement et même dans certains cas très consciemment illégale. C'est une action qui joue avec la loi, en fait. D'accord ? C'est ça, en fait, que font les Noirs. Mais ils jouent avec la loi. C'est à ce qu'ils considèrent la loi comme illégitime. Mais en utilisant les lois qui peuvent les aider aussi. Hein, d'accord ? Bon. Alors, concernant la question des alliés. En fait, est-ce que, bon, en gros, ben oui, si on veut gagner, il faut des alliés, quoi. Alors, on les choisit ou on les choisit pas, ça dépend, mais ils vont vers vous ou pas. Il faut mieux pas les éloigner volontairement. Et il y a les alliés et il y a les gens qui osent pas vous désavouer. Kennedy voulait pas donner les droits civiques. En fait, il voulait pas. Il aurait bien évité de le faire. Hein. Il a été forcé. Johnson, c'est plus compliqué. Celui d'après, le président, lui était sincèrement convaincu qu'il fallait le faire. Du coup, il les a donnés plus vite, en fait. Hein. Bon. Donc, même au sein du pouvoir, quoi que ce soit, il y a des gens différents. C'est tout, c'est clair. Il y a des gens différents, il y a des groupes différents, c'est pas un truc homogène. J'ai essayé de vous montrer au 19e siècle que les forces de pouvoir peuvent être divisées. Hein. Mais quand elles ne le sont pas, et franchement, est-ce que vous pensez que les forces de l'ordre aujourd'hui en France sont divisées ? Elles sont divisées sur le fait, peut-être, de savoir s'il faut être plutôt Front National ou pas. Mais sont-elles divisées sur le soutien au mouvement Nuit Debout ? J'ai un doute, hein, je veux dire. Bon, donc il faut juste identifier ça. Il faut le savoir. Il faut juste pas attendre des choses qui n'arriveront pas. Voilà, c'est tout. Et il faut se dire que des révolutions existent, fonctionnent dans un certain nombre de cas. C'est tout, hein. Après, aucune situation n'est la même. Et l'histoire ne vous dira jamais ce qu'il faut faire. Mais il peut vous donner quelques bonnes indications sur ce qui ne marchera pas. C'est déjà pas mal. Merci. J'étais comme toi, effectivement, très divisé sur la violence, et comme toi aussi, donc en partant assez pacifiste. Mais après, faut voir qu'est-ce qui est la violence. Est-ce que Manuel Valls qualifie les blocages de raffinerie aujourd'hui de prise d'otages ? Si bien qu'il emploie une violence, celle des CRS, pour libérer les raffineries. Donc il justifie une violence. Et alors, à partir de quand est-ce que nous, on devient violent si on est camionneur avec notre camion devant la raffinerie? C'est une violence, c'est une prise d'otage, selon certains. Si on est dans une manifestation, là, on a vu une vidéo d'un CRS qui donne des grands coups de matraque à tort et à travers à Nantes, et puis qui, une fois qu'il est par terre, reçoit la monnaie de sa pièce par les manifestants qu'il essayait de taper. Bon, est-ce que c'est de la légitime défense ? Est-ce que c'est de la violence ? Voilà, je voulais juste re-questionner à partir de quand est-ce qu'on appelle ça de la violence et à partir de quand ça en est pas ? Ouais. Juste pour répondre très brièvement, moi ma question n'a pas été de dire ça c'est de la violence, ça n'en est pas, c'est de dire à quel moment est-ce que le fait qu'on peut dire que ça en est, c'est tout, hein, que des gens disent que ça en est efficace pour discréditer un mouvement. C'est pas une question de... Je me pose pas la question de la violence légitime ou pas, hein. Je dis simplement, ça marche ou ça marche pas. D'accord ? Alors, par ailleurs, je pense des choses sur le fait que c'est légitime ou pas. Je pense que la limite est toujours compliquée, hein, mais qu'il existe, par exemple, un droit de grève et qu'on peut l'utiliser. La CGT, aujourd'hui, utilise le cadre de la loi, hein. Bon. Alors, ensuite, c'est des rapports de force. Mais n'empêche qu'il y a quand même un cadre légal. Donc, bon. Voilà. Mais mon propos n'est pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est pas la question qui est posée, je crois. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut le faire ou pas. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est utile ou pas. Est-ce que c'est dangereux ou pas. Est-ce que ça... Quel est le but. Et dans ce but, est-ce que c'est pertinent ou pas. Et c'est toute la question que j'ai posée. J'en ai pas posé d'autres. Hein. Je me permettrai. Parce que je suis pas ici pour... je fais pas de la morale, quoi. Hein. Oui, moi finalement c'est plus une réaction qu'une question. Deux choses. La première c'est que concernant qu'est-ce que la violence, où elle commence, où elle s'arrête, je pense que bon déjà concernant la différence entre le pacifisme et la non-violence, vous l'avez rappelé, le pacifisme et la non-violence, ça n'a absolument rien à voir. On peut avoir une lutte extrêmement dure, comme il a expliqué, et absolument pas pacifiste et pourtant non-violente. Donc c'est très différent. Par ailleurs, je pense qu'il faut utiliser au plus juste les mots lutte, conflit, violence, altérité, qui sont des choses très différentes. Et sans aucunement nier la violence d'État, la violence du capital, la violence des institutions, etc., à un moment se pose réellement la question stratégique. Si on aspire à un changement radical à la population... Je veux dire, à un moment, un stratège doit réfléchir à quelles sont ses forces, sur quel terrain il peut gagner, sur quel terrain il peut perdre. Et je suis désolée de le dire, mais sur le terrain de la violence, nous n'avons aucune chance. On est face à des gens qui ont l'armée, qui ont tout ce qu'ils veulent. Et je veux dire, sur le terrain de la violence purement physique, pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'aurais dû faire cette précision, au jour d'aujourd'hui, si on veut un jour que la violence puisse avoir une quelconque efficacité, on aura besoin à ce moment-là d'avoir toute l'opinion générale pour nous, en tout cas la majorité. Et je veux dire, la stratégie que Valls utilise, qu'il vient de décrire, à savoir de mettre des mots violents, prise d'otage, hein, prise d'otage, ça résonne hein, dans les esprits en ce moment, en parlant de gens qui bloquent pacifiquement. La stratégie, c'est d'essayer de rendre violents dans les esprits des choses non violentes. Il en est réduit à ça. Et donc, il y a une stratégie qui se joue vraiment autour de ça. Et donc... Effectivement, on peut aborder la question de la violence ou de la non-violence de deux points de vue. Il y a les considérations morales d'un côté, parce qu'on peut objectivement condamner qu'on tabasse physiquement un flic qui est non-violent. Et moi, je suis désolée, c'est mon cas. Hein. Moi, je suis anticapitaliste pour des considérations éthiques, donc je ne peux pas balayer l'éthique quand elle est de... Enfin, quand ça vient de mon côté, la violence. Mais ça, c'est une considération qui, à mon avis, n'est pas très importante. Les considérations morales, puisque la violence, elle est de l'autre côté. Donc on pourrait dire que nous, on peut légitimement l'utiliser. Ma seule considération, elle est purement stratégique. Utiliser la violence est-il efficace ? La non-violence, tout à l'heure tu as utilisé le mot de naïveté, ben, ça me gêne parce que c'est l'inverse. Une stratégie non-violente, à mon avis, est moins naïve qu'une stratégie violente au jour d'aujourd'hui. Parce que les médias vont se saisir de ça, parce qu'alors Cazeneuve, il a fait sa petite campagne autour de ce qui s'est passé avec la voiture de flic, vous avez vu, ils s'en sont saisis, ils ont adoré ça, on leur a donné carte blanche pour dire ce qu'ils voulaient, pour raconter leur truc, mettre en garde à vue des gars qui avaient rien à voir, etc. Et moi, ma seule question, elle est vraiment là. La violence, est-ce qu'elle peut nous servir, oui ou non? Moi, je pense que non. Je suis pas certaine, je continue à me nourrir de lectures, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas confondre non-violence et pacifisme et surtout arrêter d'imaginer que la non-violence, la position de non-violence qui peut être aussi l'usage de la force mais d'une autre façon naïve. Je pense que c'est l'inverse qui est naïf, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui sur le terrain de la violence physique, on a une quelconque chance. Voilà. Je voudrais juste rajouter une chose qui est que si on voulait parler en termes de mouvement insurrectionnel ou de mouvement populaire, les émeutes urbaines qui ont eu lieu en France dans les dernières années n'ont pas abouti. Tout simplement. Elles n'ont pas abouti. Ça, elles étaient un vrai mouvement qui exprimait des choses, hein, qui exprimait des choses profondes. Mais elles n'ont pas abouti. Elles n'ont pas abouti parce qu'il était extrêmement facile, il a été extrêmement facile d'en faire un pur mouvement de violence, sans contenu politique, sans vision, et en plus en agitant évidemment un arrière-fond racial et social qui permettait de les discréditer immédiatement. Bon, d'accord ? Alors, que un certain nombre de gens puissent avoir des comptes à régler, veulent utiliser la violence, ça se comprend. Bon, très bien. Est-ce que c'est le rôle d'un mouvement qui a d'autres objectifs que de leur laisser, que de leur fournir la possibilité de le faire? Pourquoi? Enfin, je veux dire, ça mène où? Et par ailleurs, quelle est leur volonté, leur projet? J'ai entendu dire qu'il y a des gens intelligents, j'en doute pas. L'intelligence, elle est partout. Je l'ai rencontré partout. Mais intelligence de quoi? Pourquoi faire? Hein? Et si c'est pour faire des choses très différentes de ce que la majorité de gens veulent faire ici, alors il ne faut pas le leur permettre. Puisque ça sert... Ah ben, d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous aviez dit, c'est que le silence est une stratégie délétère. Parce que c'est très facile ensuite de discréditer. Ben, vous ne parlez pas. Qui dit mot qu'on sent, hein? Donc le silence est une stratégie délétère. À la limite, ce serait même plus stratégique que d'assumer d'être pour, ce qui n'est pas ma position, mais au moins d'avoir un discours. C'est très important de pouvoir tenir un discours cohérent devant dans un système médiatique comme le nôtre. Un discours cohérent, c'était l'immense talent de Martin Luther King, c'est le discours. Et c'est pas rien, hein, un discours. Ça peut changer les choses. En tout cas, une stratégie sans discours est une stratégie qui ne va nulle part. Très bien. Et sincèrement, je me mets en parfaite contradiction avec ce qui vient d'être... Bonsoir. Avec ce qui vient... Autant je suis d'accord avec... Attendez, excusez-moi, un point, je peux compléter une chose. Je suis autant d'accord avec la dame, mais moins avec le monsieur, parce que avec la violence, on ne résoudra rien, ce qu'elle a dit. Parce que nos gosses qu'on envoie au casse-pipe, ils ne savent pas les conséquences qu'il y a derrière. Parce que moi, j'étais à 10... Monsieur, s'il vous plaît, éloignez. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que c'est des gamins qui ont été envoyés au casse-pipe, que pour eux, ils jetaient des fumigènes, ils ne savaient pas les conséquences qu'il y avait derrière, ils ont pris après tentative de meurtre. À 18 ans, quand vous vous retrouvez pour une tentative de meurtre, monsieur, vous savez, vous allez pleurer beaucoup en prison. Par contre, ce que monsieur a dit, parce que je vais abréger, parce que j'avais peur qu'on m'enleve le micro de la main, ce qu'il a dit que les émeutes de 2006, elles n'ont pas fait, et elles n'ont pas eu leurs conséquences, c'est pas vrai, parce que moi, je connaissais les quartiers à l'époque, maintenant, tous les quartiers, c'est devenu, ils ont, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont été rénovés, ils ont, que je sais pas s'il y a des gens qui sont de Lyon, à la Duchère, on a, les bâtiments, ils ont couché par terre, je sais pas comment on dit ça, ils ont explosé avec la dynamite, c'est devenu des résidences, que ce soit là, que ce soit, voilà, monsieur, et voilà, oui, monsieur. Les conséquences de 2006, elles ont eu des effets positifs. Il y a moins de bâtiments qui se construisent en hauteur. On les défonce, voilà, ça devient des résidences. Maintenant, ce que on n'aime pas quand je prends mon temps de parole parce que les gens comprennent ce que je veux dire, mais ce qu'elle a dit la dame aussi, je reviens à ce qu'elle a dit la dame. Il faut pas, avec la violence on n'aura rien, c'est que nos enfants qui vont payer les conséquences. C'est ça que je veux vous dire. Parce que nos enfants, ils sont inconscients des conséquences qu'il y a derrière tout ça. Pour eux, ils ont jeté un fumigène, mais ils savaient pas que la voiture elle allait cramer peut-être. C'est ça que je veux dire. Et après ils se retrouvent du lycée à la cité. Vous connaissez la cité? Voilà, non mais voilà, attendez, voilà ça que je veux dire. Voilà, ceux qui connaissent la cité, moi j'ai connu la chambre 23, c'est une usine. Vous signez ou vous signez pas, c'est la même chose. Voilà, voilà, voilà. Non, oui, merci à vous aussi, mais voilà, voilà, voilà, voilà, c'est tout. Il faut pas qu'on envoie nos enfants au casse-pipe. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que si votre gosse... Un jour, je demande à tout le monde, non, toi c'est Centrafrique. Voilà, donc inutile de le préciser, mais évidemment, si pas du tout qu'on veut te donner, c'est juste qu'il y avait des gens qui non seulement l'avaient demandé avant, mais qui étaient en train de parler. En l'occurrence, lui, il était en train de parler, tu lui as coupé la parole, tu nous as pris le micro. Eh oui. Donc voilà, c'est pas du tout qu'on censure ou quoi que ce soit. Non, il est là en tant que lui-même. Excusez-moi. Des fois, c'est que les gens les plus gentils, des fois, deviennent les gens les plus méchants. Tous les jours, tu dis que t'aimes bien ce que je fais ici. Aujourd'hui, tu me parles de France Afrique, et le reste, je dois me taire. Donc, à un moment donné, ok. Donc, ce que je voulais dire, j'ai perdu un peu le fil de ce qui s'était dit. Tu as dit tout à l'heure, qui ne dit mot consent. Et cette phrase est très forte. Qui ne dit mot consent? Tu as fait un résumé sur les révoltes. Aujourd'hui, nous sommes en France. La France-Afrique, les révoltes ont été... Il y a plus de 189 coups d'État en Afrique. Il y a des révoltes tous les jours qui sont massacrées par De Gaulle, par Focard, par tout ce que tu veux. Et lorsque tu parles des révoltes, sans parler des révoltes africaines, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a du mot qu'on sent. Et c'est, pour moi, c'est très, très fort ce que tu viens de dire. Et surtout si ton dossier est sur les révoltes. Et la France-Afrique, c'est l'un des... C'est l'un des crimes les plus grands que l'humanité ait pu connu au XXe siècle et depuis quelque temps. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé de naïveté en parlant de non-violence. Il faut comprendre que la naïveté, elle revient dans le sens où oui, on est naïf. Parce que si on écoute une télévision nous dire ils sont méchants parce qu'une voiture a été brûlée et qu'on croit ça, oui, on est naïf. Donc, à un moment donné. Qu'est-ce qu'on est, le peuple? Est-ce qu'on est des imbéciles ou est-ce qu'on est des gens qui voient la violence et qui doivent chercher à s'en sortir de cette violence? Ça ne veut pas dire taper sur l'autre, mais ça veut dire de sortir de ces gongs et aller dans la rue. Maintenant, là, on va pas parler de France-Afrique. On va faire un peu de publicité. Ce samedi, au stand de France-Afrique, de 16h à 20h, on va parler d'une violence qui se fait en France. On va parler de la violence du Nord. De la France sous ses autres formes. On va parler du Nord-Pas-de-Calais. On va se poser cette question. Est-ce que les ch'tis du Nord-Pas-de-Calais sont les nègres de la métropole? Parce que là-bas, il y a l'impunité policière. Là-bas, il y a le chômage. Là-bas, il y a les mines à ne savoir qu'en faire. Et donc, au lieu de laisser les gens aller voter Front National, sortons de nos gongs et parlons de cette violence qui est faite dans le nord de la France. Et donc, on ne peut pas parler de la France sans parler de tous ces crimes d'État et de tous ces crimes qui sont faits au Nord-Pas-de-Calais et autres, qui sont des violences criminelles. Et je sais plus ce que je voulais dire parce qu'on a, je voulais répondre vraiment. Et pour revenir sincèrement, très sincèrement, celui qui veut étudier le travail de Martin Luther King, qu'il étudie profondément et il en sortira déçu. Maintenant, ça, je demande à tout un chercheur, tout historien qui veut se pencher sur la question. Je sais plus le reste de ce que je voulais dire, mais je veux dire. Je vois. Gandhi a marché à faire de la non-violence. Mais ce qu'on ne vous dit pas, pendant que Gandhi faisait de la non-violence, l'armée indienne se battait contre l'armée anglaise. C'est-à-dire, pendant que devant vous, il y avait quelqu'un qui faisait de la non-violence et qui disposait de la paix et amour, les militaires indiens d'Inde étaient sortis de l'armée anglaise et se battaient contre les Anglais. Il y a deux choses qui ont libéré les Anglais. Il y a les caméras qui se sont mis sur la non-violence, parce que la non-violence ne marche que si les caméras et les médias sont présents. Sinon, ça marche pas. Et deuxièmement, les militaires indiens se sont battus jusqu'au sang. Et c'est ça qui a libéré l'Inde. Bon, il y avait deux autres personnes qui voulaient parler encore. On va finir avec elles. Donc, tu vas passer ton tour. Ok. Oui, bonjour. Là, je suis un petit peu embêté parce que tout ce que j'ai entendu me plaît bien et finalement tout le monde a un peu raison. Ça dépend peut-être des circonstances. Je voudrais juste te dire un mot sur la non-violence. Je crois qu'il faut être non-violent parce qu'effectivement c'est l'efficacité, mais il faut être non-violent et être prêt à se battre et à taper très, très fort. Parce qu'il y a des moments où il faut se battre aussi. Maintenant, ce qui manque à ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, enfin, ça manque pas parce que j'entends, on parle de capitalisme, on parle de méchants qui sont de l'autre côté là-bas et on les nomme jamais. Alors, je voudrais juste prendre un exemple pour être très court. On a quelque chose qui s'appelle des OGM. Il y a une boîte qui s'appelle Monsanto. Il y avait samedi dernier, il y avait une manifestation nationale contre Monsanto. Et si vous regardez bien, en Europe, depuis une vingtaine d'années, finalement, il y a eu quelques succès quand même. Monsanto n'arrive pas à vendre ses trucs. Et il n'arrive pas à vendre ses trucs. Pourquoi ? Parce que les gens ne les achètent pas. Et pourquoi les gens ne les achètent pas ? C'est parce qu'on a réussi à les convaincre qu'il valait mieux bouffer de la bouffe normale que de la saloperie qu'ils nous proposent. Alors, il me semble que, je vais en terminer là-dessus, parce que il me semble que c'est une réflexion, quand on se bat contre le gouvernement, par exemple, on sait très bien, et à gauche, que c'est pas lui qui décide. Les lobbies derrière sont organisés de manière formidable. Vous savez que, actuellement, on parle beaucoup de TAFTA. TAFTA, il y a un lobby qui s'appelle TABC, c'est la réunion de 75 multinationales américaines et européennes qui tiennent la main des négociateurs. Les discours, je dirais, oui, par là, j'aimerais bien entendre des discours qui prennent en main ça et qui se disent, par exemple, une chose très simple, hein, on veut se battre pour gagner, ben, faut peut-être taper sur les bons adversaires. Merci. Donc on va laisser le mot de la fin à Philippe et si tu veux réagir. Non, mais je voulais juste d'abord vous remercier évidemment hein, de votre écoute. Ensuite, bon, bah, les bonnes questions ont été posées. Hein. C'est vrai que c'est le but, c'était de susciter des réflexions. Il faut simplement vous dire que, comme historien, si vous voulez, moi, pour répondre. Quand on m'a demandé de faire cette intervention, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches aussi de mon côté, et je me suis demandé des questions toutes simples. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mouvement de contestation ou pas, quand est-ce qu'il peut être discrédité, comment ça marche, je me suis aperçu que bon, simplement. Ça marche pas toujours, hein. Voilà. Il faut aussi rendre ça possible, donc ça marche pas toujours. Il en reste toujours quelque chose, et ça peut être toujours repris, mais ça marche pas toujours. Voilà. Et donc, la dernière chose que j'ai pas eu l'occasion de dire, qui était intéressant sur la question du 19e siècle français, c'est le côté Paris-Province. En fait, il faut bien se dire que c'est pas la même chose d'occuper une ZAD en province où la question se pose pas de la même manière. Paris est un endroit extrêmement stratégique, extrêmement bien contrôlé, extrêmement bien tenu. Et ça, c'est l'histoire des mouvements insurrectionnels qui a fait ça. C'est-à-dire que l'État a passé 150 ans à bien quadriller Paris. Donc Paris est très bien contrôlé. Voilà. Et ça, il faut le savoir quand on fait un mouvement à Paris. C'est quelque chose qui n'est pas la même chose que d'obtenir quelque chose dans un espace qui n'est pas à ce point central pour le pouvoir. Mais c'est aussi un point où tout le monde vous regarde. Donc c'est très intéressant aussi. Hein. Donc il faut utiliser les atouts de cette chose en étant conscient des limites, enfin non pas des limites, mais du caractère difficile aussi de cet espace parisien. Voilà, et ça c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'ont pas dû vrai. S'il y a un point commun à Washington, c'est pas du tout Paris aux États-Unis. Mais la marche sur Washington de 1963, ça a été quelque chose d'énorme, hein, parce que c'était l'occupation d'un espace central, symbolique, au centre de la démocratie américaine, ce qu'est la place de la République en fait. Hein. Donc ça c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. À part ça. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais. Enfin, j'ai dit pas mal de choses que j'avais à dire, sachant que, j'ai. Par contre, du point de vue historique, il y a des tas de choses qui manquent. Mais ça, vous le savez déjà et vous me pardonnerez d'avance. Merci. Merci à tous. Alors, on se retrouve vendredi. Et donc, je rappelle que toutes les interventions sont réécoutables sur notre site internet educpopdebout.org. Que toute personne qui souhaite intervenir peut venir nous voir et qu'on l'inscrira sur le planning et que aussi si vous avez envie de nous filer un coup de main et ben vous êtes les bienvenus. Voilà, merci. Voilà, et s'il n'y a pas EducPop demain, c'est parce qu'il y a Manif. Voilà, merci à tous. Ah, donc demain on arrête tout. Ouais. Merci à vous. Tu veux dire un mot? On a des programmes pour les interventions du reste de la semaine, si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour ceux qui n'ont pas eu prendre un programme.